On va faire ça en one shot. Ouais, comme d'habitude, en fait. Peut-être pas le dire. Semaine 13. J'attends le week-end tous les jours de la semaine. J'attends le week-end tous les jours de la semaine. Aidez-moi à sortir de cette dépendance, je vais y rester. C'est décupé. Tous les jours de la semaine, j'attends le week-end. Comme si j'avais prévu de me barrer un siècle. Partir au soleil, plus d'heures, plus de réveil. Tous les jours, ces mêmes rêves quand je me lève. La divinité est la pire création humaine. Même si l'idée de nous protéger partait d'un bon contexte. Divisé par les religions, conséquences guerre et haine. Ouais, je la ramène beaucoup trop à leur goût. La liberté d'expression n'a pas de prix, mais à son coup. La nuit, les lumières rayonnent mon esprit. J'écris dans ma tête, je me vide, je me laisse briller. Ma ville m'éclaire quand elle est vide. Le silence du vent, les trottoirs mouillés reflètent en marchant, le regard fouillant chaque maginée. Et j'avais cette impression que notre séparation était la seule porte. S'aérer de nos actions pour que notre relation devienne plus forte. Et j'ai tout fait dans ta jalousie et toi dans ma musique. Mais est-ce qu'on s'étoufferait avec un grand bol d'air dans le vide? Entre hier et aujourd'hui, les je t'aime ont perdu leur sens. Notre amour c'était comme vendre dans une voiture pour en acheter de l'essence. Et je leur ai pris lancé sur toi, la fumée l'a jeté sur toi. Et là tu verras, ressentiras ce que ça fait prendre feu pour toi. Yeah, ce que ça fait prendre feu pour toi. Yeah, yeah, yeah. Mais enfin bref, la vérité se fera toujours une. Ne confonds pas le silence et être muet. Je dévoilerai mes pensées quitte à me faire tuer. Critiquer moi et ma parole aux œufs, nous sommes habitués. Habité par le ténèbre, ouvrir ma gueule, t'éclaircis. Double R, ne crois pas en Dieu mais en la litho, pense permis. Absurde comme dire à ta pute, je reviens, je vais faire ma prière. Déshabille-toi sur Allah, je vais donner encore plus qu'hier. Je fais pas partie des sectes du sexe sur des sœurs. Non, j'espère que les spermes du sperme ne se servent pas de leur mère. Comme vibre ma sœur, on vire ma sœur égale pute. Le monde se dégrade, excusez-moi, une pute normale. Et plus de luxe, c'est le même grade, yeah. Et le pire c'est que j'en ai connu des comme ça, des lobes ça. Dire qu'il fut un temps où je les voyais maman. Aujourd'hui ils le seront mais ne l'assumeront pas. J'ai le regard sombre, ma vision du monde s'éclaircit. Tous des futurs pères de futurs fils de pute, oui. Fuck laisser avoir, fuck t'es qu'un connard. Fuck le fuck les anciens le savent. Afi Prostan, Clémenceau, c'est Vigné. Je l'ai dédié aux gens, poteaux, les mecs, je vais signer. Fuck nuit, fuck tour du monde, fuck yon le monde, fuck tout le monde. Quand j'ai le regard sombre, vous pouvez pas condamner une allégorie du mal. Vous pouvez condamner son créateur, mais c'est pas wham. Et je baisse la tête quand je vois les keufs. C'est bon, j'ai pas fait béton, mon touch. 22, y'a les bleus, je m'enfuis comme mon âme. 20 joints de bœuf ou 21 grammes. Y'a plus de terre que de tabac. Plus d'air plus vert que le gamin. Y'a plus de fumée que d'herbe dans la salle. Plus de meufs que de mecs dans la boîte. Wesh, le monde, vous savez ambiancer. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Et slow improvisé. Finissant sur du rosé. Sur une danse un peu osée. Pas la peine que je sorte l'oseille. J'ai déjà appelé les policiers. Yeah. Tu m'as éteint, tu m'as atteint. Toutes mes nuits sont de plus en plus longues et dures. Jusqu'au matin, putain de cap, t'es baratin. Je vais te l'offrir sur ton beau sapin. Bien emballé par cette dépression, cette haine qui ne s'est toujours pas cicatrisée. Oui, j'ai crié en bas de toi d'une manière et d'une autre. J'ai crié notre amour sur un toit. Et cette distance nous a distancés. Drag and dance pour ne pas y penser. Aucun sens dans ce que tu dis, tu sais. La vengeance peut venir du ciel. Semaine 13, regarde sombre, je vais me la faire. On bat les couilles. Mais avant de devenir ton cauchemar, avais-tu un rêve? Il faut que tu t'accroches sans relâche. Mène la guerre pour avoir la paix. Tu voulais devenir ton contraire. Et maintenant tu regrettes. Tu as perdu tous tes confrères, tes sons et ton père à la tête. Mais avant de sourire à la gloire, mériter n'est pas qu'un verbe. Imagine-toi là au fond, qu'aurais-tu voulu changer ?